Ouais, Joanne, regarde, là, on manque un peu de temps. Okay. En quelques mots, là, Philippe Couillard, là, quand il lit ses feuilles, là, non, mais c'est... Tu y crois-tu, toi, Philippe Couillard? Ou c'est... Moi, honnêtement, je trouve que c'est le pire chef du Parti libéral depuis très, très longtemps, depuis que je suis né, je pense. Là. C'est... On a de la misère, hein, parce que moi, je l'ai diagnostiqué, là, désolé, mais je l'ai diagnostiqué comme un technocrate. C'est quelqu'un qui parle en termes de système, en termes conceptuels, mais il parle aux journalistes, gars-là. Il parle pas au monde. Il parle aux journalistes. Il les a tous endormis du temps qu'il était ministre de la Santé. Souvenons-nous, il était pas plantable. Mais là, il est chef de parti, puis je ne suis pas certaine non plus qu'il va avec tout ce qu'il y a, là. Je sais pas si on dirait qu'il y a quelque chose qui le retient. Puis il y a un ton de suffisance, là, tu sais, alors que la CAQ, elle a parié sur la main tendue, puis elle a somme toute un bon bilan. Là, il y a du monde qui veut absolument que je parle du Parti conservateur du Québec, là. Ouais. Je reçois tout le temps des mails là-dessus. Faudrait que tu parles d'eux autres, tes ignores, bon, blablabla. Au monde, là, qui veulent défendre Adrien Pouliot, là, bravo. Mais ce que vous avez à faire, c'est de tout mettre vos œufs dans un seul panier, puis c'est dans le comté d'Adrien Pouliot. Pour le reste, là, parlez-moi pas du reste. C'est là que vous devez vous investir un comté, le comté d'Adrien Pouliot. Puis imaginez-vous pas que ça vous prend des grosses affaires, puis toutes les personnes au Québec qui veulent appuyer le Parti conservateur du Québec doivent faire une chose, et c'est celle-là. Pour le reste, oubliez ça. C'est peine perdue. Ça va être long, votre affaire, si ça marche. Mais à part de ça, qu'est-ce que tu veux? On peut pas parler autrement du Parti conservateur du Québec, autrement que de dire son programme, il est excellent pour la droite. Mais à part ça, si vous êtes sérieux, un, vous allez vous mobiliser, vous allez vous l'appuyer, puis vous allez déménager dans son côté. Il ouais, faut quand même avoir une certaine ferveur. Là, tu parles à des gens assez crinqués. Eh, mais hein. Ouais. Ouais. Hey, merci, Joanne. Bon, ben, bref, on s'ouvre un chip, là, puis on atteint les élections. Là. Ça s'en vient. OK? Salut. OK, bye, bonne semaine. Bye. Bye. C'était Joanne Marcotte.